Il faut que je te parle de quelqu'un qui est rentré dans ma vie. Une vulgaire connaissance à la base. Aujourd'hui un ami dans les années 70. Il est né dans les rues New York dans des conditions difficiles. Dans la misère de l'époque, il a grandi dans le ghetto. Au milieu des opprimés, devenu porte-parole. Celui qui n'a pas peur de s'exprimer. Il dénonce pour commencer les conditions de vie précaires. Partisan de l'égalité et de ceux qui sont plus bactères. Il commence à se faire un nom, une couverture médiatique. Il commence à se faire des ennemis, certains dans le milieu politique. Son message s'est répandu, s'est transmis dans tout le pays. Il a convaincu des personnes qui ont donc rejoint son parti. D'autres n'ont pas la même vision, il a vu des sourcils se froncer. Il a réussi à traverser l'Atlantique pour devenir français. Résultat, il débarque, échange de nationalité. Encore une fois, c'est en banlieue qu'il s'est installé. J'avais juste entendu son nom, j'avais eu vent de son existence. Un jour, je l'ai rencontré car mon frère avait fait sa connaissance. Il a commencé à parler, mais je n'écoutais pas réellement. Il avait ses idées, mais je m'étais pas posé dessus sérieusement. Faut dire que j'étais jeune, je n'avais pas encore l'expérience. Les problèmes de société, je n'en avais pas encore conscience. Alors je n'ai pas spécialement essayé de le voir davantage. Mais les choses ont changé lorsque j'ai pris de l'âge. À 15 ans, je perds un repère. Quand survient la mort de mon père, il est revenu me parler. Il avait vécu cette galère. Il m'a tendu la main quand je n'avais plus du tout le moral. Il m'a montré le chemin et j'avais de moins en moins mal. À ce moment-là, j'ai su qu'elle allait naître une grande amitié. Seulement, je ne savais pas à quel point on allait se lier. On a commencé à discuter, j'ai commencé à l'écouter. Je réfléchis et quand il parle, il n'est pas si loin de la vérité. Il prône des valeurs que j'aime, l'appel à la tolérance. Il dénonce les injustices et les adeptes de la violence. Un militant résistant dressé contre un système oppressant. Un système qui stresse, qui agresse et qui fait verser trop de sang. Les politiciens détestent plus que tout ses propos osés. Donc il est diabolisé et victime de plusieurs procès. Je connais d'autres de ses amis, je me méfie beaucoup de ces gens. Ils squattent avec lui juste pour avoir la gloire ou l'argent. Et ses fréquentations aggravent encore plus sa réputation. Ce qui fait qu'il est mal vu aux yeux de la population. Mais moi je le connais vraiment, je connais sa vraie valeur. Ignorant son ceux qui gobe les paroles de ses détracteurs. Il veut juste que les gens prennent conscience de la réalité, qu'ils comprennent que depuis le début, ils ont été bernés. Alors je fais son plaidoyer, je partage ses convictions. Maintenant je milite avec lui, c'est devenu une addiction. T'as compris de qui j'étais en train de parler? Il s'agit du rap français.